À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le président du Parti des ouvriers de Hongrie, le président du comité italien d'études de l'idée de Sun-Gun pour l'indépendance et la souveraineté et président du groupe des athées du matérialisme dialectique de l'Italie ont publié respectivement les 24 et 25 novembre un entretien.